One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, frères et sœurs en islam. Donc toujours avec le tafsir de sourate An-Najm, on était avec la deuxième ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma dalla sahibukum wa ma ghawa, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas dans Abdalal et il n'est pas aussi dans Al-Riwaya alayhi salatu wa salam. La question que le frère il a posée tout à l'heure, eh bien les savants ils se sont posé cette question. Pourquoi est-ce que ici Allah Ta'ala il dit ma dalla sahibukum, votre compagnon, va parler de ça inchallah, ça parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, ma dalla, il ne s'est pas égaré. Alors que dans l'autre sourate, sourate Ad-Duha, Allah Ta'ala il dit wa wajadaka dallan fahada, et il t'a trouvé égaré et il t'a guidé. Allah Ta'ala il dit ça à propos de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a trouvé dal, égaré. Et Allah Azza wa Jal il t'a guidé. Alors, comment réconcilier entre l'essence des deux? Rappelez-vous que lorsqu'il y a toujours un semblant de contradiction entre des ayats du Coran ou ayats hadith, ainsi de suite, il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à nous d'aller comprendre en détail. Soit que parfois, c'est ma compréhension qui est faussée, ou que ma compréhension, elle est allée plus loin que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans le cas d'un hadith, il se peut par exemple que le hadith soit faible, et moi je pense qu'il y a contradiction entre hadith et entre un autre hadith, alors qu'un hadith est faible par exemple. Bref, si on parle du Coran, imaginez que même les ulama, comme l'imam Shinqiti, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle « Daf'u iham al-istirab an ay al-kitab », un livre de tafsir juste pour les ayats qui semblent être en contradiction, pour nous expliquer qu'il n'y a pas de contradiction entre ces ayats et quel est le tafsir et ainsi de suite. Donc là ici, وَوَجَدَكَ ضَالًا, Allah Ta'ala il t'a trouvé égaré, il t'a guidé, أي ضَالًا عَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ الْأَنَ مِنَ الشَّرِيعَةِ, ça c'est avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive le message. Il était égaré dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la charia, ne connaissait pas la législation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était muwahhid, était croyant, était monothéiste alayhi salatu wa salam. Allah azza wa jalla il l'a créé comme ça. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la révélation, est-ce qu'il connaissait tous les détails de la religion, comment faire la salat et quels sont les sunan, les meilleurs, comment manger de la meilleure façon et comment boire et comment dormir et quoi dire avant de dormir, quoi dire avant de sortir de chez soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas tout ça parce qu'il n'a pas reçu la révélation. Donc dans ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était « dallan fahada », Allah il l'a guidé. Mais là, ça parle, dans sourate An-Najm, ça parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Il a reçu le message. Il invite vers le message d'Allah Ta'ala. Et les mouchriquins disent, toi, tu es égaré. Allah Ta'ala, il dit, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ. En passant, ce qui nous amène à un autre point ici très, très intéressant. تَوَلَّ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الرَّدَّ عَنْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. C'est Allah Ta'ala lui-même qui a assumé de défendre le prophète صلى الله عليه وسلم en disant, Muhammad, il n'est pas dans Ad-Dalal, il n'est pas dans Al-Riwaya. Sachant que les autres prophètes se sont défendus d'eux-mêmes. Donc là, regardez. Dans Sourate Al-A'raf, Allah Ta'ala, ayat numéro 60-61, Allah Ta'ala nous parle du prophète Nuh, alayhi salam, Noé. Qu'est-ce que le peuple de Nuh, alayhi salam, lui en dit? قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. On constate, ya Nuh, que toi tu es dans un égarement qui est évident, un égarement qui est clair. Tu es dans الضلال. C'est ça ce qu'ils ont utilisé comme accusation. Nuh عليه السلام, il a dit, قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من ربي العالمين. Ô mon peuple, je n'ai pas de ضلالة. Je ne suis qu'un messager qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui a défendu Nuh alayhi salam? C'est lui qui s'est défendu lui-même. Il a dit, moi, je ne suis pas égaré. Je ne suis pas dans la dalala. La même chose à propos de Hud alayhi as-salam. Son peuple lui a dit que tu es dans la safaha, tu manques de raison, toi, tu es perdu, quelqu'un de perdu, tu es menteur. Wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Alors, prophète Hud alayhi salam, même chose dans sourate Al-A'raf, il s'est défendu en disant qala ya qaumi laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbi al-alamin. Je suis pas dans la safaha, moi je suis pas quelqu'un qui est déraisonnable. Mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, c'est pas lui qui a dit je ne suis pas égaré. Allah Ta'ala lui-même, il l'a défendu. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. C'est clair. Et ça, encore une fois, ça nous montre le statut du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa fihi tanwihun bi sha'ni al-Qur'an wa manatun ala wa tanbihun ala manat ihtidaihi alayhi salatu wa salam wa madari rashadihi. Ka'annahu qila wal-Qur'ani. الذي هو علم في الهداية إلى مناهج الدين ومسالك الحق ما ضل عنها محمد صلى الله عليه وسلم وما غوى. En se basant sur le tafsir, sur l'opinion qui avait dit que والنجم إذا هوى, ça parle de القرآن. Rappelez-vous, l'étoile, النجم, où il y a النجم qui est la descente de القرآن. Il est descendu نجوما, comme ça, de façon graduelle. En se basant sur cette interprétation de « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى » le lien qui vient juste après, c'est quoi? Allah Ta'ala, il jure par le Coran que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas égaré et il n'est pas dans « Al-Riwaya ». Pourquoi? Ça, c'est une indication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas égaré. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par le Coran. Il n'est pas dans la Riwaya parce qu'il est protégé par le Coran. Ce qui le tient sur le droit chemin, c'est le Coran. C'est pour ça qu'il n'est pas dans Abdalal et dans Al-Riwaya. Prochaine question ici. Pourquoi est-ce que Allah Ta'ala il n'a pas dit Ma dalla Rasul ou Ma dalla Muhammad? Muhammad n'est pas égaré ou le messager n'est pas égaré. Allah Ta'ala a dit Ma dalla Sahibukum. C'est quoi le sens de Sahibukum? Votre compagnon, Musahaba. Musahaba, c'est celui qui t'accompagne. C'est pour ça les Sahaba, c'est ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suhba, c'est l'accompagnant. On va dire Fulan Sahibi. Sahibi, c'est mon compagnon. Donc là, Allah Ta'ala, en s'adressant aux polythéistes, il fait référence au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en l'appelant le Sahibukum, votre compagnon. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça? Alors les ulama, ils ont dit تأكيد لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله. Que pour mettre encore plus de pression sur eux, que ça c'est votre compagnon, vous le connaissez très bien, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu d'un autre pays, d'une autre race, d'une autre ethnie. Il fait partie de vous, de vos propres familles. Il est Quraishi comme vous, de Quraish. Vous le connaissez très bien. Ce n'est pas de sa nature. Avant qu'il n'ait reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Muhammad, tu es quelqu'un d'égaré. » Bien au contraire, dans Al-Jahiliya, les mushrikines respectaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beaucoup en tant que personne. Ils l'appelaient Al-Sadiq, le véridique, Al-Amin, tu es une personne qui est digne de confiance. Alors, vous connaissez très bien à propos de lui. Comment ça, soudainement, maintenant, vous le traitez d'égaré et de menteur et de manipulateur et ainsi de suite? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Am lam ya'arifu rasulahum, fahum lahu munkirun » Vous ne le connaissez pas, votre messager, vous le connaissez très bien. Et Allah azza wa jal, il dit subhanahu wa ta'ala « Wa ma sahibukum bimajnoun » La même chose dans l'autre sourate Al-Takwir, le prophète Allah azza wa jal fait référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme votre sahib, votre compagnon. Une autre comparaison ici, regardez, une autre analogie avant de passer à la troisième ayah, incha'Allah. « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى » qui pourrait nous rappeler quels étaient les avantages, les bénéfices des étoiles, selon le tafsir que « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى » c'est les étoiles. Alors, quels sont les bénéfices? Oui. Protège le ciel. L'embellissement. Source de guider. Okay? Donc on a dit, le Coran, c'est une protection. Tout comme les étoiles, ça protège le ciel. Le Coran, c'est une protection pour le cœur et pour la raison de la personne. Mais aussi, le Coran, tout comme les étoiles, c'est un embellissement pour le ciel. Il dit ici, فَكَذَلِكَ الْوَحْيُ وَآثَارُهُ زِينَةٌ لِلْأَرْضِ. Le wahy, la révélation, le Coran qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un embellissement pour la terre. Et que si ce n'était pas les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé, فَلَوْلَا الْعِلْمُ الْمَوْرُوثُ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ لَكَانَ النَّاسُ فِي ظُلْمَةٍ أَشَدَّ مِنَ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ. Les gens auraient été dans une obscurité pire que les ténèbres de la nuit. Sans exagération. Pouvez-vous imaginer l'état du monde, des êtres humains, si Allah Ta'ala n'avait pas envoyé de prophètes et de messagers? Avec la venue des prophètes et des messagers, et il y a toute la corruption qu'on voit dans ce monde. Si Allah Ta'ala n'a pas envoyé de prophètes et de messagers, il n'y a jamais eu de repère. Comme par exemple, dans cette société qui s'appelle société laïque, même cet espace dans lequel on est aujourd'hui, ça c'était un espace de l'église. Les gens, ils étudiaient ici quoi là? Religion. Dans cette religion, religion altérée, mais malgré tout dans cette religion altérée, il y avait quand même des restes, beaucoup de restes. Des restes, quand on dit religion altérée, ça veut pas dire que tout ce qui est dans cette religion à 100%, il est faux. Il y a beaucoup de restes de baqa, il y a des valeurs des prophètes de Isa alayhi salam et de Moussa alayhi salam et ainsi de suite. Et ces valeurs, no matter what, elles sont encore quoi présentes dans la société, dans l'inconscient des gens, dans leur culture, qui fait en sorte que les gens, beaucoup d'êtres humains, qu'il y a encore certaines limites qui... Non, ça on peut pas toucher à ça. On peut pas aller plus loin. Ça, c'est trop loin. Pourquoi c'est trop loin? Je ne sais pas, mais c'est juste comme ça. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes qui ont montré les limites, les hudouds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens se sont égarés, ils ont brisé plusieurs de ces limites, ils ont repoussé plusieurs de ces limites, mais ils ne les ont pas complètement effacées de l'existence. Alors s'il n'y avait pas de prophètes comme ça, ça serait les êtres humains qui vont se manger dans la rue. Hein. Un être humain qui va manger l'autre, ça va être complètement normal. Ça va être pire que les animaux, c'est clair? Ayah numéro 3 maintenant. Allah Azza wa Jal, il dit « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى » Encore une fois ici, c'est la négation. Il y a une autre négation. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il ne fait pas ça. Donc la ayah numéro 2, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas. Il n'est pas dalal, il n'est pas riwaya. Ayah numéro 3, ce qu'il ne fait pas. C'est qu'il ne parle pas. La yantiq an-nutq, c'est le fait de parler, de dire des choses. Anil hawa, il ne parle pas de son hawa. Bien sûr, tout ça, on va l'étudier en détail, inshallah ta'ala. Mais ici, un point intéressant à faire. La ayah, elle commence par cette sourate, elle commence dans la deuxième et troisième ayah ici, elle commence par l'idée de la négation. Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous inspire à comprendre? La réfutation des fausses accusations. Ok, donc la réfutation des fausses accusations, c'est quelque chose d'important dans la vie. Il y a des gens, ils pensent que ce n'est pas important. Si des gens te lancent des fausses accusations, tu n'as pas à les réfuter. Si ce n'est pas fondé, ce n'est pas fondé, that's it. Laisse-les parler. Ça, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un, on lui lance des fausses accusations, c'est de son droit à ce que cette personne-là soit innocentée. À ce que ces accusations-là, même si elles viennent min asfalil khalq, des pires des gens, la personne, quand même, elle a le droit qu'elle soit défendue, que ces accusations-là soient réfutées. On ne va pas se contenter de dire « Non, elle n'est pas comme ça. » Peu importe ce que les gens disent, elle n'est pas comme ça. Parce que si c'était comme ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Ashraful khalq, akramul khalq, la personne la plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Lui n'est pas affecté par les paroles des gens. Mais les paroles des gens, les fausses accusations, ça n'affecte pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son statut. Mais ça affecte quoi? Les autres personnes, les autres êtres humains qui pourraient, au fait, être empêchés de bénéficier du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ces fausses accusations. Donc Allah Azza wa Jal, il les rejette, ces fausses accusations. Il les réfute, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiq, il ne parle pas de al-hawa. Donc rappelez-vous tout à l'heure, au tout début, on avait commencé par hawa en tant que verbe. Hawa. Wa nadmi idha hawa. Lorsque l'étoile, elle, descend. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas, lorsqu'il parle, la source de ses paroles, ce n'est pas le hawa. C'est quoi le hawa maintenant? C'est quoi le sens? Ça, ce n'est pas un verbe maintenant, c'est le nom de quelque chose. C'est quoi cette chose? Les plaisirs. Ça se rapproche. Je sais que parfois, c'est traduit comme plaisir. Les plaisirs, c'est zina, c'est ce qui est à l'extérieur. Les passions. C'est une traduction un peu plus... Oui, parfois on traduit ça comme les plaisirs, pas de problème. Mais la traduction à privilégier, c'est plus la passion. Parce que la passion, ça fait référence à ce qui est dans le cœur, ce qui nous convient. Barakallahu fik. Alors comment les ulama, ils définissent le mot hawa exactement? Ils disent « Al-hawa maylun nafsi ila ash-shahwati ». Le hawa, c'est l'inclinaison de « an-nafs » vers ash-shahwa, vers les tentations, vers les plaisirs. Qila summiya bidhalik, pourquoi est-ce que les passions, ça s'appelle hawa dans la langue arabe? On rappelle encore une fois que la langue arabe, c'est une langue qui est miraculeuse, sans exagération. Ça n'est pas une prétention, c'est pas pour les arabes ou autre chose, pas pour comparer les langues. C'est une langue miraculeuse, c'est pour ça, c'est Allah Ta'ala qui l'a créée comme ça, pour qu'elle soit la langue qui va porter le meilleur message, qui est le Coran. Al-Karib. Alors, dans la langue arabe, il n'y a rien qui est aléatoire, random, comme ça. Un mot aléatoire. Tous les mots ont des asl, ça veut dire référence, source, le fondement de trois lettres ou de quatre lettres, par exemple. Et ce asl-là, il va donner, c'est comme un tronc d'arbre ou autre chose, une plante qui va donner naissance à plusieurs fruits, de couleurs différentes, mais qui reviennent toutes à la même source. Alors pourquoi est-ce que le hawa, les passions, je vous dis pourquoi on appelle les passions, pourquoi en français ça s'appelle les passions, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Nom de fruit? Peut-être c'est le fruit qui a été appelé à cause du passion. Passion. Pourquoi ça s'appelle tentation, tenter? C'est comme ça, c'est juste comme ça. Mais en arabe, hawa, pourquoi la passion s'appelle hawa? لِأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى كُلِّ دَاهِيَةٍ وَفِي الْآخِرَةِ إِلَى الْهَاوِيَةِ. Parce que les passions, le hawa, fait en sorte que ça va rabaisser la personne dans la vie du bas monde, va la rabaisser vers les problèmes, des hautes aspirations. Les hautes aspirations, est-ce que ça marche avec les passions? Des hautes aspirations. Est-ce que ça concorde avec les passions? Dans la vraie vie? Non. Dans la pratique, non. Parmi les passions de base de l'être humain, à la base, si l'être humain ne fait pas le mujahada pour sortir de cette passion-là, c'est la passion du repos. Ad-da'a. L'être humain, il aime quoi? Qui n'aimerait pas avoir une vie dans laquelle juste s'allonger, se reposer, dormir et se réveiller, aller encore une fois dormir jusqu'à 10 heures du matin? Qui n'aimerait pas ça, si c'était possible d'être la vie, que c'est comme ça? Donc, ça c'est le hawa, mais ça ne concorde pas avec les hautes aspirations. C'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie. C'est pas en profitant, en voyageant et en mangeant beaucoup et en dormant beaucoup, c'est pas comme ça que tu vas réussir. Même dans les biens de la dunya, sans parler même des biens de la akhira. Et que le hawa aussi, yahwi bihi ila an-nar fil akhira, dans l'au-delà. Le hawa, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber la personne vers l'enfer. En passant, même l'enfer s'appelle al-hawiya. Hawa, hawiya. Dans la langue arabe, l'enfer, parmi ses noms, c'est hawiya. La source, maintenant, le pilier en quelque sorte, le fondement, la racine, c'est ça le mot que je cherchais, de hawa, yadullu ala khulouin wa suqout. Ces trois lettres-là, ce qui regroupe tous ces mots-là, c'est l'idée de tomber et de devenir vide. Donc, c'est pour ça que al-hawa, les patients appellent ça al-hawa dans la langue arabe. Donc, remarquez ici encore une fois comment est-ce que ça a commencé. Wan-najmi idha hawa, ça parle de l'étoile qui descend ou de le Coran qui descend. Après ça, ça parle du cœur de l'être humain. Al-hawa. Et al-hawa, c'est pas quelque chose de à 100% bien. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne parle pas de al-hawa. S'il parlait de al-hawa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serait pas un prophète d'Allah Azza wa Jal. Parce que si le islam venait de son cœur, est-ce qu'on va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si le islam venait de son cœur, le Coran, tout ça, ça vient du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va le suivre? Non, là, il n'est pas prophète d'Allah. Parce que prophète d'Allah ne parle pas de son cœur. Il parle de la révélation qui vient d'en haut, du ciel. C'est clair? Il y avait une question, vous m'avez levé, oui, Akhi. قيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية داهية الدواهي للبروبلم. Celui qui suit les hawa va se retrouver avec les problèmes connus. C'est pas compliqué à comprendre. Allez lire les nouvelles, les faits divers à chaque jour, les gens qui sont en prison, les tribunaux et tout. C'est toujours une histoire de quelqu'un qui suit son hawa. C'est clair. Donc ça amène les problèmes, ça rabaisse la personne, ça rabaisse la personne. Combien de personnes de nos jours vivent dans les rues? Il y a des gens qui vivent dans les rues. Si vous allez lire, dans leur vie, c'est pas tous des personnes entre guillemets malchanceuses. Ça veut dire, il y a personne pour le soutenir dans sa famille, et il a été maltraité, et il est né orphelin, a grandi dans la pauvreté. C'est pas vrai. Beaucoup de ces personnes-là, il y a même des gens qui étaient universitaires et qui avaient des emplois et qui étaient très bien payés, ainsi de suite. Mais il s'est retrouvé dans la rue à cause de l'alcool, à cause de la drogue, par exemple. Ça, c'est al-hawa yahwi bi sahibihi. Ça rabaisse la personne. Et Allah Azza wa Jal, il nous a dit, subhanahu wa ta'ala, de ne pas suivre le hawa. Même Allah Ta'ala s'adresse à un messager qui est Daoud, alayhi salam, prophète David. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bayna nasi bil haqq, wa la tattabi'i al-hawa. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Allah Ta'ala, il dit à Daoud a.s. « Oh Daoud, on a fait de toi un khalifa, un vicaire, un gouverneur sur cette terre, un représentant d'Allah Azza wa Jal. » Il était prophète et gouverneur en même temps. De ce fait, il régnait, tranché parmi les gens, leurs différents et ainsi de suite. « فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. » Tu dois juger entre les gens par là, par la vérité. C'est quoi la vérité? La révélation qui est venue d'Allah Azza wa Jal. Parce que si toi, ya Daoud, noble prophète d'Allah Ta'ala, tu vas suivre le hawa à la place, donc il y a deux options, il n'y a pas une troisième. Soit tu suis la vérité qui vient d'Allah Azza wa Jal, ou tu suis le hawa. Ne suis pas le hawa, fayudillaka an sabillah. Ça va t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa Ta'ala. Alors, si ça, c'est pour un prophète, noble prophète d'Allah Azza wa Jal, Daoud alayhi salam, quel être humain par la suite a le droit de dire « Ouais, ouais, mais c'est correct, lui c'est le roi » ou je sais pas quoi, il est libre. S'il veut suivre le Coran, il suit le Coran. S'il veut faire ses propres lois et régner par des lois comme ça humaines, il est libre de faire ce qu'il veut et il fait les bons choix. Qui va oser dire ça? C'est une insulte envers le prophète Daoud, alayhi salam. Ça veut dire ton roi à toi, ou ton premier ministre, ou ton président, il est meilleur qu'un prophète d'Allah Azza wa Jal. Il peut délaisser la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire ses propres lois, lui, il va être guidé quand même. Non. Celui qui ne suit pas le message d'Allah Azza wa Jal, il est égaré. C'est aussi simple que ça. Ayah numéro 4. Ayah, Allah Azza wa Jal, il dit « In huwa illa wahyun yuha » Que certes, « In huwa » Ça, oui, Akhi. Est-ce qu'il y a un lien avec le monde de la femme, Non, ça c'est complètement différent. Ça c'est Hawa avec le Ha. Ok, Hawa c'est avec le Ha. Hawa, Eve, ça c'est avec le Ha. Donc c'est un mot complètement différent. In huwa illa wahyun yuha. Que certes, il ne s'agit que. Donc ça c'est une négation qui indique l'exclusivité, le hasr. In huwa, ce n'est que une révélation. Un wahy qui vient d'Allah Azza wa Jal, qui est révélé. Wahyun yuha, une révélation révélée. Ça veut dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors parlons de cette ayah. C'est quoi le wahy? Wahyun. Wahyun, qu'on traduit habituellement comme la révélation. Huwa kullu ma alqaytahu ila ghayrika hatta alimahu kayfa ma kana. C'est toute information que tu jettes sur une autre personne afin qu'elle puisse la connaître. À travers un messager, Rasoul, ou bi ilhamin, par une inspiration, ou kitabatin, écriture, ou isharatin, par un signe. Yuqalu waha ilayhi bil kalami wahyan wa asluhu i'lamun fi khafa. Donc là, c'est comme si le wahy c'est un transfert d'information. Mais à condition que ce soit fait de façon discrète, fi khafa'in. C'est pas viens, je vais t'apprendre quelque chose devant tout le monde comme ça. Le wahy c'est un transfert d'une information mais de façon discrète. Donc de ce fait, dans la langue arabe, le wahy c'est pas seulement la révélation. Même si ici la révélation, c'est quoi? C'est ce qui vient d'Allah Azza wa Jalla. Tout comme lorsqu'on dit al-kitab, le livre. C'est le Coran. Dhalika al-kitab la rayba fi. C'est pas le livre au sens de n'importe quel livre. Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il nous parle d'un prophète fa'awha ilayhim an sabbihu bukratan wa 'ashiya. Zakaria, il s'est adressé à son peuple en disant faites le tasbih d'Allah Azza wa Jalla bukratan wa 'ashiya. Awha ilayhim. Allah Ta'ala utilise le mot wahy parce qu'il aura indiqué ça de façon discrète. C'est clair? Donc, معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم, Imam Shinqiti رحمه الله, il nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله شيئا أوحى الله إليه أن يبلغه إلا شيئا أوحى الله تعالى إليه أن يبلغه. فمن يقول إنه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكثرهم. Le sens de cette ayah, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم ne dit aux gens que ce que Allah Ta'ala, il lui dit de dire. Celui qui prétend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, c'est de la poésie, ou que c'est de la divination, ou de la sorcellerie, ou que c'est des histoires du passé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne fait que répéter, alors ça, c'est la personne le plus grand menteur à propos d'Allah Azza wa Jal, et le plus grand kafir, mécréant, parce que c'est celui qui dit quelque chose d'extrêmement grave sur un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui en réalité n'est qu'un représentant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son message. Il y avait une question? Oui, Ari. Ok, donc si on parle du wahy vers les prophètes spécifiquement, soit que le wahy il est fait, Allah ta'ala, il fait ça directement. وما كان لبشر أن يكلمه الله أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. Donc parfois Allah Ta'ala il va parler à un prophète directement, le wahy va être fait sans intermédiaire. Ça c'est arrivé rarement, comme dans l'histoire de Moussa alayhi salam. On sait lorsque Moussa alayhi salam, il a parlé directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme aussi les ulama, ils disent c'est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'Isra wa al-Mi'raj dont on va parler tout à l'heure inshallah. Mais en général le wahy envers les prophètes c'est à travers l'ange Jibril alayhi as-salam. L'ange Jibril alayhi as-salam. Non. Oui, akhi. Divination, sorcellerie, shi'r, poésie. Donc tout ça c'est les différentes accusations. Il y en a d'autres, mais c'est différentes accusations que les mouchriquins. Parce que les mouchriquins, ils ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un prophète d'Allah. C'est pas vrai. Alors, il est quoi? il est certainement spécial. Tous s'accordaient pour dire que ce n'est pas juste un être humain moyen comme ça, average. Mais c'est là qu'ils ont divergé. Qu'est-ce qu'on va dire à propos de lui comme accusation? Comment on va expliquer ça aux gens, que lui n'est pas prophète? Alors il est quoi? Chacun, il a expliqué. C'est comme de nos jours. De nos jours, on va t'amener des athées comme ça qui vont parler des religieux. Que vous, les religieux, vous êtes sujets à études. Vous êtes dans un laboratoire comme ça et nous, on est 4-5 qui vont parler de nous comme ça sur un plateau de TV. Et il y a un qui est psychologue. Et il va parler de toi en tant que personne religieuse selon ses connaissances en psychologie. L'autre, c'est un sociologue. L'autre, c'est un historien. L'autre, c'est un psychiatre. Ok, donc il y a un qui va te regarder comme ça et va dire, toi, tu as une maladie mentale. Comme dans le temps, il faisait des documentaires comme ça, des reportages pour faire du sensationnalisme comme ça. Les musulmans pratiquants, ils appelaient ça les fous de Dieu. Comme ça, ils faisaient dans les documentaires. Ok, donc, tu as une maladie mentale. Tu es fou. Un autre, c'est le sociologue. Ça, c'est des gens qui viennent de milieux défavorisés, n'ont pas eu accès à l'éducation lorsqu'ils étaient jeunes, n'ont pas... Pour ça, il faut commencer à donner à ces pays-là plus de ressources et de les aider à développer leurs connaissances et tout. Et à l'autre, c'est le politicien. Ça, c'est des gens qui cherchent le pouvoir parce qu'ils veulent conquérir des terres et renverser des systèmes et je ne sais pas quoi. Chacun va amener ça à quoi, sous sa perspective. Mais tous s'accordent pour dire que toi, tu as tort. Et c'est la même chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains qui disaient que kadhab, un menteur, il le fait exprès pour mentir, manipulateur. D'autres qui disaient que lui, il est quoi? Majnoun, possédé. Il y a un djinn qui est venu, qui l'a possédé, et c'est ce djinn-là qui le contrôle, qui lui dit de dire ce qu'il est en train de dire. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Non, non, ça c'est un cha'ir, c'est un poète super excellent. Il nous a dépassé dans la poésie. » L'autre, il dit « Ça c'est un kahin. Regardez, il a l'air de connaître beaucoup de choses à l'avance, avant que celles arrivent. Il nous informe de ça. Il doit faire la divination. C'est un kahin super bon. Mais ce n'est pas un prophète. » C'est clair. Chacun a amené sa propre interprétation, encore une fois, pour masquer le fait que lui soit un prophète d'Allah, alayhi salatu wa salam. Donc là, in huwa, ce n'est que, ça parle de quoi? Ce n'est que une révélation. Ça parle de quoi? Al-Qur'an. Donc ça, c'est la première opinion à propos du tafsir de cette ayah-là, jusqu'au point que l'imam Ibn Atiyah, l'un des savants du tafsir, il prétend qu'il y a ijma', qu'il y a unanimité entre les mufassirin, les savants de l'exégèse, que in huwa, ça parle de Al-Qur'an spécifiquement. Mais il y a en réalité une autre opinion. Ce n'est pas vrai qu'il y a ijma'. Okay, donc, souvent, ça arrive que certains savants prétendent qu'il y a ijma', unanimité, mais il dit qu'il y a unanimité selon ses connaissances à lui. Il y a d'autres opinions que lui n'a pas reçues. Et de ce fait, une fois que c'est prouvé qu'il y a d'autres opinions, le ijma' n'est pas fondé en tant que tel. Alors, la deuxième opinion ici, « قِيلَ الْمُرَادُ نُطْقُهُ فِي الدِّينِ min al-kitab wa as-sunnah, que in huwa, ce n'est que ça parle de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à propos de ad-din. Écoutez bien ça, parce que une personne l'autre fois, une sœur dans notre halaqa, elle est venue pour dire qu'elle a assisté à un cours quelque part, une conférence, et que quelqu'un a fait toute cette conférence pour jeter cette shubha, au fait, pour faire douter les gens sur à propos de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici il dit المراد نطقه في الدين, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait à propos de la religion, que ce soit à travers le Coran ou à travers la sunna, que tout ça c'est in huwa illa wahyun yuha, ce n'est qu'un wahy, une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quel sens est le plus général, le premier ou le deuxième? Le deuxième. Donc sur la première interprétation, ça dit que ça parle de le Coran. Sur la deuxième interprétation, ça parle de le Coran, mais aussi de toute autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à propos de la sunna. à propos de l'islam, de la religion, ce qui veut dire quoi là? La sunna, c'est clair. Et ça, encore une fois, c'est pas vrai que la première opinion fait l'unanimité. La preuve, c'est que cette deuxième opinion, c'est l'opinion de Tha'labi, Al-Baghawi, Ibn Kathir, Ibn Al-Qayyim, Al-Ulaymi, Al-Shawkani et des contemporains Al-Sa'di. Donc il y a plusieurs savants ici qui disent que ce qui est révélation, c'est le Coran et la sunna, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pourquoi ici? Allah Azza wa Jalla dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yantiq, lorsqu'il parle, il ne parle pas de al-hawa, de ses passions, lui alayhi salatu wa sallam. Taïb. Donc, question ici, importante, comme on a dit, est-ce que la sunna fait partie du wahy, de la révélation? Oui. Ok, la sunna, les hadiths du prophète, qu'on appelle les hadiths, hadith en fait c'est le moyen de transmission de la sunna, de la préservation de la sunna, mais la sunna, la tradition prophétique, et s'il vous plaît, si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser parce que c'est une question critique ici, surtout lorsqu'on parle de cette ayah. La sunna fait partie de la révélation. Ceux qui renient la sunna, ils disent on doit suivre juste le Coran, les Coraniens. En passant cette bande de personnes qui s'appellent les Coraniens ou les Inkariens pour être plus précis parce que ce n'est pas vraiment des Coranistes au sens où ils suivent vraiment le Coran, ils prétendent suivre le Coran. Si tu suis le Coran, tu n'auras pas le choix que de suivre la sunna. Ça c'est parmi les sectes ou les groupes égarés, les plus faciles à humilier. Tu peux les faire humilier. Quand je parle ici, humilier, ce n'est pas humilier physiquement. C'est humilier par le dalil, par la réplique. Ok, leur truc ne se tient sur rien du tout. Quelques petites choubouhettes comme ça, et ils se font écraser complètement. Okay, donc, si quelqu'un vous présente comme ça, on ne suit pas la sunna, on suit le Coran, sachez que ça c'est vraiment un débutant. Il y en a, oui, d'autres sectes comme ça qui sont plus durs à exposer au fait, à démonter, mais ce groupe-là de Al-Qur'aniyin, ceux qui renient la sunna, c'est parmi les êtres les plus superficiels dans leur façon, c'est plein de contradictions. Les contradictions, il ne faut pas aller de loin pour que la personne, elle soit complètement bloquée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est entre autres le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit antum a'lamu bi umuri dunyakum. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, vous connaissez plus les choses reliées à votre dunya, vous êtes plus conscient, plus connaisseur, ça veut dire vous n'avez pas besoin de me suivre pleinement sur les choses reliées à votre dunya. Alors ce hadith là il est très souvent utilisé par des gens qui veulent renier la sunna, l'autorité de la sunna. Première déjà contradiction ici évidente, c'est que il se réfère à la sunna pour renier la sunna. C'est un cercle vicieux. يلزم منه الدور كما يقال. Si la sunna n'est pas une référence pour toi, comment tu te bases sur la sunna pour rejeter la sunna? Ce n'est pas une référence pour toi. Tu dis tu suis juste le Coran. De ce fait, tu n'as pas le droit de toucher, de citer la sunna. Tu vas juste te contenter du Coran. Deuxième chose, oui, ça c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les choses de la dunya, ça veut dire les choses qui ne venaient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'avaient pas une tenue religieuse, une portée religieuse à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé à le suivre dans ça. Et les sahaba ne suivaient pas nécessairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une telle chose. Ça veut dire, en d'autres termes, les sahaba n'allaient pas pour voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il cuisine quelque chose. Comment et c'est quoi les ingrédients qu'il met pour qu'il va faire la même chose que lui, alayhi salatu wa sallam. C'est pas ça ce qu'il faisait, les sahaba, radiallahu anhu. Parce que ça, c'est une chose qui est reliée à la dunya. C'est clair. Les sahaba n'allaient pas voir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allumait un feu pour qu'ils allument un feu comme lui. Il faut allumer le feu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ça, c'est une chose qui est relié à la dunya. Même que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui demandait à certains compagnons les conseils sur certaines choses parce qu'ils s'y connaissaient très bien, c'est leur domaine de la dunya, c'est le spécialiste. C'est clair? Donc c'est ça le sens de antum a'lamu umuri dunyakum. Mais le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à donner une portée religieuse à la chose. Qu'est-ce que ça veut dire une portée religieuse? Soit qu'il va mentionner la religion avec. Il y a des tonnes de hadiths, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Car Allah, il m'a ordonné de faire telle chose. Car Allah, il aime pour vous telle chose et il déteste pour vous telle chose. » Là, tu ne peux plus me dire que ça, c'est une question de la dunya. Le moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle des valeurs, du comportement, de ce qui est bon pour le cœur, pour ce qui est mauvais pour le cœur, là, on ne parle plus de la dunya. On parle ici de l'essence même de la religion qui est là pour faire affaire avec notre comportement et notre cœur et notre âme et ainsi de suite. Le moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lance un avertissement. Celui qui fait telle et telle et telle chose, gare à lui, voilà la punition. Ou il lance une promesse. Celui qui fait telle et telle chose, Allah Ta'ala lui donnera telle et telle chose, il aura telle et telle chose. Alors là, on comprend de par le contexte que ça, ça parle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle en tant que prophète, pas en tant juste qu'être humain. Il parle en tant que messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donne des ordres, il donne un ordre. Faites, ne faites pas. Là, c'est la même chose. C'est un ordre du prophète, alayhi salatu wasalam. Si c'est un ordre général à toute la umma, c'est pas pour une personne. Si c'est pour une personne, parfois, certains ulama, ils ont ce concept-là qui est le concept de hadith et tu'aïnin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à lui de faire telle chose. Parfois, encore une fois, c'est plus nuancé. Ici, ça revient au savant de comprendre de par le contexte que parfois, c'est un ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour une personne en particulier, pour sa situation. Pas pour toute la umma. C'est clair? Est-ce que ça répond un peu à votre... Est-ce que ça éclaircit un peu? Non, Marie, t'as fondé. Moi, c'est une question de la soie. Une fois, j'étais en train de lire un livre sur les causes de la somme pour un, sur le hajj. Et là, ça dit, le verset, où on mentionne même avec elle, la soie ou la nabine, il y a qui va être l'homme, elle va chez l'homme. Fait omniyatina. Donc là, ça m'a fait la soie de neige. Je vous en dis, là, il y a un peu et je suis passé patient. Ensuite, et ça parlait de la... Non. Non, ça va venir tout à l'heure, Inch'Allah. Ça va venir. Automatiquement. Mais c'est non, c'est pas... Si le livre, il a présenté ça pour promouvoir l'idée, oui. C'est ça, le livre, en plus, il a associé la vie de Dieu et de soi. Et il a dit, tu as dit ce que je ne pas de Dieu. En fait, ça vient contre Dieu au début de la... Non, on va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Ok, qu'est-ce que ça te le bi'inni la azzawajal, on va en parler, Inch'Allah. Bi'inni la ita'al. Afwan? Si le livre, il fait la promotion. Cette histoire, elle est dans les livres. Tu vas trouver dans les livres de tafsir, presque tous les livres de tafsir détaillés, tu vas trouver l'histoire. Mais le savant, habituellement, il mentionne l'histoire pour la rejeter. Hatta yarudduna 'alayha. Même que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a un livre juste sur cette histoire. Non. نصب من جنيق لنس في قصة الغرانيق وي أخي non ça ils vont faire attention alors non alors après ça Allah Ta'ala nous parle de cette révélation de ce wahy Allah Azza wa Jal il dit علمه شديد القوى aya numéro 5 علمه celui qui lui a enseigné. Qui a enseigné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Jibril alayhi sallam. Chacun de nous a besoin d'un enseignant. On n'apprend pas l'islam juste à notre... Juste moi-même, je vais apprendre l'islam moi-même. Je veux juste apprendre moi-même. Besoin de personne pour m'enseigner, personne pour m'éclaircir, personne pour... Mais le prophète alayhi sallam qui lui a appris. C'est Jibril alayhi salam. Allamahu, celui qui lui a enseigné. Son enseignant, c'est Jibril, l'ange Jibril alayhi salam. وقد حكى الإجماع على أن المراد به جبريل عليه السلام الماوردي وابن عاشور. Qu'il y a إجماع des savants, comme rapporté par الماوردي ainsi que ابن عاشور, que dans cette ayah, l'enseignant, ça parle de Jibril spécifiquement. En passant, j'ai mentionné, est-ce que quelqu'un ici connaît Ibn Ashur? Ibn Ashur? Personne? Même pas entendu parler avant? Non? Vous voyez comment, subhanallah, vous voyez ce qu'ils ont fait à notre umma? Oui. Ibn Ashur. Subhanallah, ce qu'ils ont fait aux musulmans, c'est incroyable, incroyable. La destruction massive pour essayer d'effacer tous les repères. Ça, c'est Ibn Ashur, Tahir Ibn Ashur, ça, c'est pas un savant qui est mort il y a cela plusieurs siècles. C'est à peine quelques décennies, il était vivant. Et c'est parmi les savants de Az-Zaytouna en Tunisie. C'était le grand savant de la Tunisie dans son temps à lui, lorsqu'il était en vie. Okay? Et ça, c'est un savant qui n'est pas normal, c'est un génie, c'est parmi les génies de l'histoire, de l'islam. C'est pour ça qu'il a écrit un livre de tafsir, tafsir Tahir ibn Ashur. C'est parmi les livres les plus nobles de tafsir, de loin, comparable au tafsir des anciens. Des anciens, ça veut dire des grands savants, comme il y a lui. Et il y a un autre savant qui est l'imam Shinqiti, rahimahullah, que vous connaissez probablement plus parce que Shinqiti, c'est plus connu, même si les gens ils pensent qu'il y a un seul Shinqiti, il y a plusieurs. Shinqiti, c'est celui qui vient de la Mauritanie. Shinqiti, c'est comment on dit, un Marocain, un Égyptien. Shinqiti, c'est celui qui vient de la Mauritanie. C'est pour ça qu'on dit Cheikh Shinqiti. Les gens pensent, ah, Cheikh. Ouais, il y a des tonnes de Cheikh Shinqiti. Mais les Cheikh Shinqiti le plus connu, imam Shinqiti, encore une fois, un autre savant qui était dans la Médine, ça fait décéder il y a de cela quelques décennies, rahimahullah. C'est aussi lui, un autre qui a écrit un grand livre de tafsir digne d'être comparable au... Il y en a qui se mettent dans la liste des plus grands, les tops. Ça veut dire, si quelqu'un arrive à écrire un livre de tafsir de la parole d'Allah Ta'ala, du début jusqu'à la fin, en plusieurs tomes, et de démontrer que ça, c'est un tafsir qui est exceptionnel, ça veut dire ça, c'est un très grand savant. C'est pas du n'importe quoi. Faire le tafsir de la parole d'Allah Azza wa Jal et que ce tafsir par la suite, il va être analysé par les savants. Bien sûr, c'est pas n'importe qui l'écrit un tafsir, le jette sur le marché comme ça et ça fonctionne. Non, non. Ça va être analysé, étudié à la loupe par les savants. Mais si les savants montrent leur respect, qu'ils sont émerveillés par ce travail, que c'est un travail qui se distingue, ça veut dire ça, c'est vraiment un imam dans l'ilm. Alors, Tahir ibn Ashur, c'est, si on lit son tafsir, son niveau d'intelligence, son niveau de maîtrise de très haut niveau de la langue arabe, si on ne savait pas ce Tahir ibn Ashur, il vient de quel siècle, on va penser, lui, c'est un savant du 5e siècle ou quelque chose. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de notre temps, vous comprenez? Regardez, ça fait à peine quelques décennies. C'est très récent, ce savant qu'il est mort et il était un savant officiel. Il était le grand savant de la Tunisie. Regardez, tout de suite après, il l'efface complètement de la map, de l'existence. Bien sûr, toutes les personnes qui étudient la science, les savants et tout, connaissent tous Tahir ibn Ashur. Mais moi, ce que je veux dire ici, c'est qu'un personnage comme ça doit être connu par la majorité des musulmans, surtout ceux qui viennent de l'Afrique, l'Afrique du Nord et tout, pour eux, normalement, bien sûr, Tahir ibn Ashur. Mais tout le monde connaît les joueurs de foot, les joueurs de As-Sufaha, les gens qui ne valent rien du tout, le danseur, la danseuse, ils connaissent où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils mangent, ils connaissent tout. Subhanallah, un savant top de l'islam, c'est pas de votre faute, mais on vous fait ça exprès, pour vous cacher, cloisonner. Eux, on va aller essayer de les jeter. Là, Marie. Il y a encore ses livres, par contre. Oui, bien sûr. Tahir ibn Ashur, ses livres sont très respectés. Non. Ils ne brûlent jamais les livres, alhamdoulilah. Ça, ils ne peuvent jamais faire ça, mais c'est même pas quelqu'un qu'ils ont osé détruire ou décrire comme un extrémiste ou autre chose. Non, même les laïcars en Tunisie, les plus almaniens et tout, ils vont dire, oh, Cheikh Tahir ibn Ashur, bien sûr, c'est savant. Parce que pour montrer que eux aussi, ils ont quelque chose, tu vois, de leur côté. Mais ils ne vont pas dire, ne lis pas Tahir, non, ils ne vont pas jamais dire ça. Mais c'est de façon discrète, on efface jusqu'à ce qu'il y ait une génération qui ne connaît pas ces gens-là. C'est qui, c'est... طيب علمه شديد القوى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Dans l'autre, ça c'est dans l'autre sourate. Dans l'autre sourate, Allah Ta'ala il décrit aussi le Jibril alayhi salam. Et Allah Ta'ala il dit que le Coran Karim c'est qawlu, la parole de un messager noble, Rasul Karim, qui est Jibril alayhi salam. ذي قوة, il est fort, il est puissant. عند ذي العرش مكين, auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, celui qui a le trône, Jibril alayhi salam, il a de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Muta'in thamma amin. Muta', c'est quelqu'un à qui a droit à l'obéissance, on lui obéit, Jibril alayhi salam. Vous savez les malaïka, si on a parlé des étoiles tout à l'heure, alors imaginez combien de malaïka, d'anges Allah Azza wa Jal il a créé. Combien a-t-il d'anges dans cet univers? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que depuis que Allah azza wa jalla il a créé une place qui s'appelle Baytul Izzah. C'est, attendez, Baytul Izzah. Je ne vais pas mêler les choses, ok? Baytul Izzah. J'ai juste comme un vide comme ça, mais je vais vous le confirmer tout à l'heure, inchallah, pour ne pas vous dire du n'importe quoi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cette Kaaba du ciel. Elle est comme la Kaaba qu'on a ici. Et qu'il y a à chaque jour 70 000 anges à chaque jour qui viennent faire le pèlerinage dans cette place et qui ne reviennent plus jusqu'au jour du jugement dernier. Enfin, pas le pèlerinage deux fois. Okay, depuis tout le temps que Allah Ta'ala il a créé ce lieu, Allah Ta'ala A'lam, jusqu'à Qiyam Sa'a, 70 000 anges. Tous ces anges-là, ils obéissent à Jibril alayhi salam. Muta'in thamma amin. Et il est aussi quoi? Amin Bayt al-Ma'mour. N'am, barakallahu fik. Ou le Bayt al-Ma'mour, sahih. Donc Bayt al-Izza, c'est pour ça que au début j'ai dit Bayt al-Izza. Bayt al-Izza, c'est là où le Coran il a été révélé comme première étape. Donc Jibril alayhi salam, il est aussi quoi? Amin. Il est digne de confiance. Quelqu'un qui est amin, regardez ici, on va conclure avec ça. Après ça, dans la prochaine séance, on va parler en détail. Ça, c'est très intéressant aussi. On a qawiyun et on a aminun. C'est quoi qawiyun? Qawiyun, c'est le fort, le puissant, la puissance. Et on a quoi? Aminun, amin. Amin, c'est celui qui est doué de, qui est digne de confiance. Amin, je te fais confiance, pleinement confiance. Ça veut dire anta indi aminun. Ça vient de l'amana qui est la confiance. Okay? Donc ça c'est dans une autre sourate. Mais ici Allah subhanahu wa ta'ala dit allamahu shadidul quwa. Jibril alayhi salam, il est décrit comme celui qui a très grande force. C'est bon? Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Par la suite, on va reprendre lors de notre prochaine séance, Inch'Allah, azawajal, et continuer avec la description de Jibril, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.